en ce mercredi, troisième temps de notre série consacrée à la restitution d'objets conservés dans nos musées. Aujourd'hui, que faire des restes humains ? Depuis lundi, à l'occasion de la remise en fin de semaine, ça sera vendredi, du rapport commandé par le président de la République à Bénédicte Savoie et Félouine Sarr, un rapport qui a d'ailleurs déjà fuité dans la presse sur la restitution des œuvres d'art africaines, nous avons évoqué des questions qui divisent. Aujourd'hui, notre émission s'intéresse aux restes humains conservés dans nos musées. Pourquoi et comment sont-ils arrivés, ces squelettes ou ces cadavres momifiés ? Sont-ils arrivés dans nos musées, justement ? Faut-il les rendre et à qui lorsqu'on les réclame ? Faut-il ou non les exposés et dans quelles conditions, que faire des squelettes que l'on découvre par dizaines chaque année lors des fouilles archéologiques contemporaines. C'est ce que nous verrons pendant cette émission avec Anaïs Quin qui la co-animera avec moi, avec Carole Reynaud-Paligaud, elle est enseignante à l'Université de Bourgogne en duplex depuis les studios de Radio France à Dijon. Elle enseigne là-bas, donc elle est historienne spécialiste de l'histoire de l'anthropologie et auteure entre autres de l'identité nationale, sciences, race et politique en Europe et aux États-Unis aux presses universitaires de France, mais également de la République raciale aux presses universitaire de France. Alain Froment est également avec nous, il est médecin, anthropologue et directeur de recherche à l'IRD et ancien responsable des collections d'anthropologie du Musée de l'Homme. Et également avec nous, Anne Loerf, elle est historienne, auteure de Préhistoire d'Europe et de Par les armes, tous deux publiés aux éditions Belin, et elle préside le Conseil national de la recherche archéologique. Bonjour à vous, Anaïs Quin. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Bonjour à vous, Anne Loerf. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour à vous. Donc, Alain Froment et depuis les studios de Radio France à Dijon, Carole Reynaud-Paligaud, bonjour. Il faut, pour se poser cette question de ce qui se trouve dans nos musées, remonter à quelle époque, selon vous, qui êtes historienne justement de cette classification raciale, en particulier au 19e siècle, et de son rapport à l'identité nationale et à la République. Carole Reynaud-Paligaud, faut-il remonter au 17e, au 18e ou au 19e siècle ? Alors, plutôt au 18e siècle, puisque les premiers intérêts pour les ossements et les squelettes donc, commencent au 18e, puisqu'à la fin du 18e, on a déjà des premières classifications qui sont élaborées à partir de squelettes donc, qui ont été rapportés hein, des quatre coins du monde. Mais le grand moment, c'est quand même le 19e siècle, au moment où s'institutionnalise cette science. Et voilà, c'est là que les recherches s'amplifient, s'accumulent. Et c'est vraiment le grand moment de la science. Et c'est ce qui permet à nos musées, peu de gens peut-être le savent, et en particulier au Musée de l'Homme, des musées de ce type en l'occurrence, mais également des musées de médecine, Alain Froment, d'avoir un certain nombre de restes humains qui sont accumulés soit dans les réserves, soit exposés. On parlera justement de cette différence entre ceux qui sont dans les réserves pour les chercheurs et ceux qui sont exposés à Alain Froment. Oui, la démarche, elle vient de la médecine et de l'anatomie. Au départ, le savoir se construit par proximité sur des Européens. Et la leçon d'anthropologie, c'est de dire que l'Européen n'est pas le canon de l'humanité, qu'il faut donc voir dans les autres peuples du monde quelles sont les variations, quelle est la diversité de cette espèce humaine et comment l'expliquer. Et puis, Anne Loerf, il y a aussi un intérêt très fort dans ce même 19e siècle dont parlait à l'instant même Carole Reynaud-Paligaud pour nos ancêtres les plus lointains. Vous êtes spécialiste de l'histoire de la préhistoire, puisque vous avez écrit Préhistoire d'Europe chez Belin. Il y a aussi le moment où, entre 1860 et 1880, et c'est peut-être ces dates qu'il faut retenir dans un premier temps, eh bien, on va commencer à imaginer qu'il y a des ancêtres de l'homme et établir une sorte d'arbre généalogique de l'Homo sapiens. Oui, effectivement, les archéologues d'une archéologie naissante s'intéressent aux restes humains les plus anciens pour essayer de comprendre des filiations, y compris sur le sol européen. Et c'est d'ailleurs un des pôles d'intérêt des restes humains, tandis que les restes humains plus récents, en revanche, sont inégalement source de documentation historique. Et donc, c'est cette question des branches qui permettent d'arriver à notre Homo sapiens qui intéresse dans un premier temps, justement, les premiers fouilleurs de la préhistoire, de ce qu'on a appelé à partir de ce moment-là la préhistoire. Oui, c'est ça, avec des découvertes clés, je pense à Néandertal, je pense à Cro-Magnon, 1868, on a gardé effectivement ces restes parce que ça posait des jalons d'une certaine manière dans l'histoire de la filiation humaine. Anaïs Kien. Oui, on vous entend bien, Anne-Laure, on commence à garder ces restes dans la deuxième moitié du XIXe siècle, mais avant, lorsqu'on tombe sur les restes d'une nécropole, lorsqu'on ouvre une ancienne tombe, on n'a aucune idée de ce qu'on peut en faire. Qu'est-ce qu'on fait de ces restes qu'on ne manque pas de trouver avant même qu'un intérêt scientifique et qu'un protocole d'approche de ces vestiges humains ne soit établi? En fait, c'est très variable, c'est-à-dire que on va fouiller des ensembles de chronologies très variables, de l'Antiquité, du Moyen-Âge, et en fait, en fonction des personnes qui conduisent les fouilles, on va porter une attention évidemment aux objets, une attention très forte parce que ce sont des éléments datants. Je pense par exemple à la nécropole de Hallstatt en Autriche qui va poser le premier âge du fer. On va faire des relevés, des aquarelles, de la position des ossements, mais on va essentiellement garder les objets parce qu'on ne sait pas réellement quoi faire de ces ossements humains qui ne sont pas des jalons d'une première humanité et qui en même temps ne sont pas encore une documentation que l'on peut véritablement exploiter. Donc parfois on les a gardés, parfois on les a pas gardés. Oui, à un moment, ce qui est intéressant, c'est que ce 19e siècle est un moment clé de ce rapport à l'antiquité de l'humanité, pourrait-on dire, mais que c'est aussi un moment d'exposition des corps. Vous avez été confronté à ce cas de Sarge Bartman, qui était très médiatisé à l'époque, en particulier depuis par un film qui s'appelait La Vénus Noire. Cette femme dite Hottentote, donc sur lequel a travaillé en particulier François-Xavier Fauvel, cette femme Hottentote qui a parcouru l'Europe dans des foires et des exhibitions, et qui a fini par être mesurée par Cuvier pour ses dimensions donc anthropologiques, d'une anthropologie vraiment tout à fait naissante au tout début du 19e siècle, et qui a été ensuite conservée donc, et qui a été rendue très récemment à l'Afrique du Sud, qui l'a réclamée. Oui, non seulement d'ailleurs mesurée, mais autopsiée par Cuvier. Le cadavre moulé, ce cadavre moulé avait été longtemps exposé au Musée de l'Homme. À un certain moment, dans les années 70, ça devenait insupportable de montrer ça. Donc, il a commencé par être retiré des galeries. Et puis, au début des années 2000, l'Afrique du Sud l'a réclamé. Ça a été pour le Musée de l'Homme la première restitution, effectivement très solennelle, d'un reste humain à un pays étranger. Mais d'ailleurs, François-Xavier Fauvel l'explique bien dans son ouvrage À la recherche du bon sauvage. Au moment de cette restitution, en Afrique du Sud, il y a une guerre de mémoire terrible parmi les Africains du Sud pour établir une généalogie, une filiation avec cette femme. Et finalement, personne n'y est plus relié d'une certaine façon lorsque ces restes humains sont restitués à l'Afrique du Sud. C'est-à-dire qu'on recrée des généalogies sans savoir exactement d'où, de quelle partie de l'Afrique du Sud elle venait, sans retrouver finalement les descendants de cette fameuse Sarah Bartman. Oui, parce qu'une erreur qui a été faite au moment de la restitution, c'est de ne pas s'intéresser à sa génétique, de ne pas avoir fait de prélèvement. Bon, moi, j'étais pas au musée à l'époque, mais maintenant, on fait systématiquement des prélèvements, justement, pour l'avenir, pour le cas où, dans les quelques restes qu'on a déjà rendus ou qu'on va rendre, les relier, justement, à d'autres gens. Alors, Carole Reynaud-Paligaud, entre Cuvier, dont on parle au début du 19e siècle, et puis ceux sur lesquels vous avez beaucoup travaillé à la fin du 19e siècle, à la naissance de la République, même, pourrait-on dire, entre 1860 et 1900, au moment des grandes expositions universelles, il y a Broca, qui est très important aussi, et il y a la constitution progressive d'un savoir sur l'humain, là aussi, de création d'arbres généalogiques de l'humain, et aussi de constitution de ce qu'on va appeler, dans ce 19e siècle, les races, en mesurant les crânes, en mesurant les squelettes, en mesurant les êtres vivants, mais aussi ceux qui sont morts, Carole Reynaud-Paligaud. Oui, tout à fait. Mais cette science, elle prend place dans toute l'Europe, même dans tout le monde occidental, à peu près à la même période, hein, seconde moitié du 19e siècle. On a même l'impression qu'il y a une sorte de concurrence entre les pays, entre les Allemands, les Britanniques, les Français dans ces années 1860-1870, et qu'on se copie mutuellement d'une certaine façon. Oui, alors il y a une concurrence, c'est-à-dire qu'il y a des rivalités scientifiques. On veut apparaître comme le leader dans cette nouvelle science qui s'impose et qui suscite beaucoup, beaucoup d'intérêt, beaucoup d'engouement et d'enthousiasme. Mais en même temps, il y a des collaborations parce que pour établir à l'échelle mondiale une classification des races, il faut absolument que tous les scientifiques soient unis dans cette démarche et confrontent leurs résultats, les partagent. Pour que voilà tout le globe soit couvert. Alors c'était se mettre d'accord sur les mêmes méthodes. Et bon, c'est là que les rivalités aussi apparaissaient, parce que la France s'est posée un petit peu en précurseur et en leader de cette science. Donc ça a suscité évidemment des jalousies face à l'Allemagne, qui elle aussi était très active notamment. Oui. Alain Fromont, sur ce moment spécifique, vous qui êtes médecin et anthropologue, de la naissance de cette discipline de l'anthropologie, anthropologie physique et anthropologie raciale, parce qu'elle est raciale au tout départ, on abandonnera ce qualificatif très tardivement dans le XXe siècle, d'une certaine façon, Alain Fromont. Les anthropologues veulent donc décrire la diversité humaine et mettre de l'ordre. Et finalement, la classification raciale, c'est une façon de classer les gens dans des tiroirs pour mieux comprendre la diversité, donc de faire des typologies. En même temps, les anthropologues ne sont pas dupes et ils distinguent des races intermédiaires, ou borderline en anglais, parce qu'ils s'aperçoivent qu'en fait, toutes ces populations s'entrecroisent mutuellement. Oui, d'ailleurs, donc, on a d'abord, pour l'Europe, déterminé 3 races, et puis ensuite 4 races, et puis ensuite 5, et puis ensuite 6, et puis après, on n'a plus su très bien combien il y en avait, mais enfin, on a multiplié cette classification tout au long de la fin du 19, entre 1860 et 1900. Oui, parce qu'en fait, la classification introduit des discontinuités dans un processus de variation humaine qui est continu. Donc c'est un processus artificiel qui évidemment va mettre en exergue les typologies les plus remarquables par zone géographique, mais en fait, il y a cette continuité et donc le but des collectionneurs de squelettes, c'est de documenter la façon dont l'humanité s'est diversifié. Mmh. Anaïs Quien. Oui, Anne Leherf, à partir de quel moment on établit peut-être un ensemble de règles, officielles ou non, en ce qui concerne la spécificité de la découverte, délibérée ou non, parce que parfois on décide de fouiller une ancienne nécropole, mais à d'autres moments on tombe sur des restes humains d'un corps isolé. À quel moment on voit apparaître un début de protocoles largement ou plus ou moins largement appliqués en ce qui concerne le traitement de ces vestiges très spécifiques? Alors sur le plan scientifique, il y a un moment clé qui est 1950 pour les archéologues. C'est très tardif. C'est-à-dire que avant ce moment-là, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a un regard évidemment porté à ces ensembles funéraires, aux nécropoles, à la position des corps, à la position des objets, à la nature des objets. En 1950, il se passe quelque chose qui est la mise en place du radiocarbone. Et ça déclenche évidemment deux séries de choses. La question de la datation, parce qu'évidemment les ossements humains vont servir à ces premières datations au radiocarbone. Donc on ne jette plus les ossements, on va les garder de manière systématique parce que ça devient très utile pour ces datations. Et puis dans la suite, en accompagnant les datations, va se développer une problématisation finalement du sujet qui accompagne les datations. On va s'intéresser aux gestuels, aux rituels funéraires de manière plus poussée et plus globale, toute période confondue. France Culture, la fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin. La 3 millions d'années que je dormais dans la tourbe, quand un méchant coup de pioche me trancha net le col et me fit effectuer une gracieuse courbe, à la fin de laquelle je plongeais dans le formol. D'abord on a voulu me consolider la face, on se mit à me brosser mâchoire et temporale, suivi d'un shampoing au bichromate de potasse. Puis on noie une faveur autour de mon pariétal. Du jour au lendemain, je devins une vedette. Journaux, télévision, y en avait que pour moi. Tant et si bien du reste que les autres squelettes, se jugeant délaissés, me battaient un peu froid. Enfin les scientifiques, suivant coutume Zeus, voulant me baptiser de par un nom latin, m'ont appelé Pité contre Robus Erectus. Erectus, ça me va bien, moi qui étais chaud la fin. Et ces messieurs savants, à bottines et pince-nez, sur le vu d'un pitos ou d'une prémolaire, contraire que je possédais de sacrées facultés qui me différenciaient des autres mammifères. Ils ont dit que j'étais un virtuose du gourdin qui assommait bison au roc et bonne fortune, que j'étais drôlement doué pour les petits dessins de Vénus Callipyge au téton comme la lune. Ils ont dit que je vivais jadis dans une grotte. Ils ont dit tellement de choses, tellement de trucs curieux. J'étais couvert de poils et que j'avais pas de culotte, alors que j'habitais un pavillon de banlieue. J'étais comme tout le monde, pétri de bonnes manières. Tous les dimanches matins, je jouais au tiercé. Je portais des cols durs et des bandages hernières. C'était avant la guerre, avant que tout ait sauté. C'était, voilà maintenant, bien 3 millions d'années. Vous n'avez rien à craindre, y a plus de retombées. L'homme fossile, un titre de 1968, évidemment, de Serge Reggiani. Mais on avait oublié de dire, bon anniversaire Cro-Magnon. C'est cette semaine, c'est ça? Ou c'est cette année, en l'occurrence, Alain Froment? 150e anniversaire de Cro-Magnon, de la découverte. Oui, c'est très émouvant, puisque c'est une série statistique qui apparaît hein, aux chercheurs à une époque donc où on commence effectivement à s'intéresser à l'antiquité de l'homme. Et le Musée de l'Homme a fait une petite manifestation autour de ça. Et le public, bien sûr, est invité à venir au Musée de l'Homme, rencontrer l'homme de Cro-Magnon lui-même, puisqu'on a fait le choix de l'exposer, d'exposer les ossements originaux. Carole Reynaud-Paligaud, ces années 1860-1880 sont aussi des années extrêmement importantes d'expansion coloniale. Tout à l'heure, Alain Froment nous expliquait effectivement que la volonté de classer et de regarder les diversifications des hommes et des femmes sur cette planète avait poussé justement à les regarder du côté des espaces extra-européens. Ces façons de faire se passent de quelle manière de la part des anthropologues de la fin du 19e siècle, en particulier au moment des grandes expositions universelles, mais aussi de l'expansion coloniale elle-même? Alors en fait, l'intérêt, il est tout de suite aussi, il se manifeste tout de suite en direction du monde colonial, parce que ces populations qu'on a à administrer, eh bien, il faut les connaître. Hein, on pense que plus on connaît ces populations, mieux on va être en capacité de les administrer, de les encadrer, de les faire travailler aussi. Donc on voit se développer toute une série de recherches hein, qui sont pratiquées le plus souvent par des médecins coloniaux et qui vont essayer de déterminer les races hein, parmi les populations dont ils sont chargés d'administrer ou de soigner. Ils vont s'adonner donc à des mensurations anthropologiques et ils vont publier le résultat de leurs recherches dans des revues scientifiques. Et comme cette raciologie, comme on peut la nommer, comme on la nomme aujourd'hui, mais à l'époque donc on parlait d'anthropologie, eh bien cette anthropologie, en fait, elle conçoit les races comme des populations donc qui ont des caractéristiques physiques, bien sûr, mais aussi des aptitudes intellectuelles. Mmh. Des capacités d'ordre psychologique. C'est la craniologie, etc., etc. Chaque race est définie par ses caractéristiques physiques, c'est-à-dire son volume de crâne, la forme de son crâne, les mensurations de son corps, mais aussi par des capacités intellectuelles, des caractères psychologiques. Donc c'est en ce sens qu'elle a été, qu'elle s'est voulue, elle aussi, utile à la colonisation. Mmh. Hein, ça permettait de connaître les capacités physiques des populations, mais aussi les capacités intellectuelles. Donc on pensait que tout ça allait être fort utile à la colonisation et à l'encadrement de ces populations. Est-ce que c'est ce qui justifie par exemple la présence dans les collections du Musée de l'Homme, Alain Froment? Vous dites qu'il y a environ dans les réserves du Musée de l'Homme 30 000 pièces ou lots issues justement de ces restes humains. La moitié d'entre eux, dites-vous, proviennent d'Europe, 37% de France et 11% du reste de l'Europe. Et le reste provient des Amériques, d'Océanie, d'Afrique et d'Asie. Et il y a en particulier ces restes d'insurgés algériens de la deuxième moitié du 19e siècle qui combattaient la colonisation française en Algérie et dont le président Macron a proposé à la fin de l'année dernière de les rendre à l'Algérie. Ils sont dans les collections du Musée de l'Homme, en l'occurrence Alain Froment. Oui, les collections du Musée de l'Homme, elles veulent représenter l'ensemble de l'humanité. C'est le plus gros ensemble de restes humains de France et presque d'Europe. Et parmi elles, il y a des restes qui viennent des pays coloniaux. Ils sont minoritaires puisque les restes ont été collectés souvent, comme le disait Carole, dans des conditions de pas par les médecins qui avaient des instructions pour rapporter des restes humains par beaucoup d'archéologues. Donc la majorité de la collection après l'Europe, c'est l'Amérique, à cause des travaux des pères fondateurs du Musée de l'Homme. Mais on a quelques restes délicats qui ont été collectés dans un contexte d'exaction coloniale, en particulier lors de la conquête de l'Algérie, où un certain nombre de résistants étaient décapités par l'armée française. Et les trophées collectés par les militaires ont été ensuite repris donc par les médecins du corps de santé colonial pour devenir des échantillons, des espèces de spécimens d'humanité. Et bien sûr, ces restes-là, qui sont bien documentés, dont on connaît l'identité, sont éligibles à restitution. Anaïs Kien. Sont éligibles à restitution, mais est-ce que leur restitution est demandée ? Alors, au départ, ça a été une demande de la société civile algérienne. Nous avons une procédure au Muséum d'Histoire Naturelle qui, d'abord, ne va concerner que les restes nommés. Donc, on ne parle pas des restes anonymes, des crânes de populations plus ou moins lointaines, mais dont on ne connaît pas l'identité. En ce qui concerne les gens nommés, ils peuvent avoir des descendants ou bien ils peuvent avoir joué un rôle historique. Donc, on peut discuter de leur restitution. C'est ce qui s'est passé avec le chef Fataï en Nouvelle-Calédonie. Absolument. C'était le leader de la révolte des Kanaks de 1878. Il a été restitué aux communautés Kanak. Il a permis un petit peu de réconcilier le peuple Kanak, puisque certains avaient pris le parti des Français, et c'est eux qui avaient tué Fataï. Les autres, évidemment, avaient résisté. Donc ces restes humains-là deviennent des enjeux symboliques. Et en ce qui concerne l'Algérie, bien sûr, on va les rendre. Anaïs Kien. Oui, là, je crois qu'on a mis le doigt peut-être sur un des problèmes essentiels aussi de la question de ces restes humains. D'ailleurs, je crois, Anne Le Herf, que la notion même de restes humains est remise en question par les archéologues. Un des nœuds de ce problème, ce sont tous ces vestiges humains que l'on n'identifie pas. C'est-à-dire, qui en est propriétaire? Que doit-on en faire? Où sont-ils, d'ailleurs, en France, lorsqu'on trouve des vestiges humains auxquels on n'arrive pas à accorder une identité ou même une filiation avec un groupe? Oui, alors en fait, les archéologues mettent au jour aujourd'hui des restes humains qu'on appelle plutôt aujourd'hui les vestiges paléo-anthropobiologiques pour essayer de leur donner une terminologie plus précise. Ils en mettent au jour tous les jours, quotidiennement. Ce sont des centaines de restes chaque année. Parfois c'est par jour, oui, par année, on a effectivement des centaines, des milliers de restes plus ou moins complets en fait. C'est la question de la quantité et du squelette complet ou pas. Et d'une certaine manière, ce qui se pose comme difficulté aux archéologues, c'est qu'on n'est pas sur les mêmes statuts juridiques que ceux qui se trouvent être dans les collections des musées, et qu'on est aujourd'hui dans un travail des archéologues qui opère, on va dire, dans une législation qui est inaboutie. Puisque dans le code du patrimoine qui leur sert de référence, ils ne sont pas désignés en tant que tels dans la définition des vestiges archéologiques. Donc c'est un vestige archéologique comme un autre. C'est un vestige qui est archéologique comme un autre, mais qui n'est pas désigné en tant que tel dans le code du patrimoine. Et en même temps, de fait, par leur nature, ils ne peuvent être un vestige archéologique comme un autre. Et donc ils relèvent du code civil et non pas du code du patrimoine. Oui, c'est une des grandes questions, c'est que là nous discutons entre médecins, vous êtes médecin, anthropologue, historien d'anthropologie, archéologue, de cette question, mais il faudrait rajouter au moins une quatrième catégorie du savoir, à savoir le droit, en l'occurrence à l'infrement, puisque on ne sait pas très bien, et il y a un article très intéressant chez Dalloz de Marie Cornu, le corps humain au musée, on ne sait pas très bien quel est le statut, et la jurisprudence évolue très régulièrement autour de cette question-là. Ces êtres qui sont morts, sont-ils encore des humains? Leur doit-on le respect des humains quand ils n'ont plus de descendants? Par exemple, toutes ces questions-là sont des questions qui sont très importantes pour le droit et qui permettent de définir des catégories de droit qui autorisent des restitutions ou pas, par exemple. Alors, en tout état de cause, les restes humains sont régis par la loi de bioéthique. On leur doit respect et dignité, que ce soit dans les fouilles archéologiques ou dans la façon de les garder. D'ailleurs, les archéologues ont inventé un magnifique concept qui est celui d'ostéothèque. C'est-à-dire que quand on retrouve des squelettes, on les verse dans un dépôt et c'est une bibliothèque de l'humanité en quelque sorte. Puisque dans le squelette, se sont sédimentés, c'est ce que dit la bioarchéologie, tout ce qui est arrivé à ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils ont vécu, de quoi sont-ils morts, qu'est-ce qu'ils ont comme maladie, les bactéries, qu'ils ont mangé. Les usures absolument. Du corps. Absolument, donc avec l'ADN, on va de plus en plus loin. Le régime alimentaire. Mais pour revenir à la question du droit, évidemment, on a besoin d'un cadre juridique, puisqu'en droit positif, en France en tout cas, soit vous êtes une personne, soit vous êtes une chose. Mais quand vous êtes un cadavre, vous n'êtes plus une personne, parce que vous n'avez plus votre libre arbitre. En revanche, vous n'êtes pas tout à fait une chose. Il y a un juriste qui dit que c'est une chose mal logée dans le sort, l'ordre des biens, sans trouver refuge dans celui des personnes. Donc c'est une sorte d'entre-deux entre la chose et la personne, en l'occurrence, voilà. Le cadavre. Bon, c'est peut-être pas plus mauvais qu'il y ait un certain flou juridique là-dessus. On n'a pas besoin de légiférer sur tout. Du moment qu'on sait que ce sont des restes humains et qu'ils méritent le respect, eh bien, on peut s'en accommoder. Oui, Anne-Loë, je pense que vous n'êtes pas tout à fait d'accord sur cette question-là. Carole Rebeau-Paligo ensuite. C'est vrai que je pense que les archéologues d'aujourd'hui aimeraient bien quand même avoir un cadre législatif un petit peu plus abouti que celui qui n'existe aujourd'hui, avec lequel ils composent, et en travaillant sur au moins trois codes, entre le code du patrimoine, le code civil, le code funéraire, et puis éventuellement ce qui concerne les soldats des conflits contemporains, qu'ils fouillent également et qui relèvent encore d'un autre droit. Oui. Donc si tout ça pouvait être un tout petit peu clarifié, je pense que pour tout le monde, y compris pour les restes humains et le travail scientifique, ce serait quand même plus... Anisque. Mais Alain Fremont, la notion même de propriété pose question finalement sur ces vestiges humains, parce que les musées sont propriétaires de leur collection. Et pourtant... Oui, mais le corps humain est inaliénable. Vous ne pouvez pas vendre votre rein, ni votre sang, vous pouvez le donner. Et bien de même, on ne peut pas acheter des restes humains. J'ai cru comprendre tout de même que les inventeurs de l'homme de glace, celui qu'on a trouvé du côté qui s'appelle Ozzy maintenant, ont touché des droits, une sorte de droit de propriété sur leur découverte, ce qui est quand même un peu particulier, parce que là, c'est une découverte archéologique dont les inventeurs sont plus ou moins propriétaires. Anne Loer, c'est un peu bizarre. Oui, en fait, il y a eu effectivement, c'est un gros combat, c'est une énorme histoire, c'est un thriller incroyable, Ötzi, jusqu'à son exposition aujourd'hui, qui n'est pas sans soulever de problèmes de déontologie et d'éthique, tel qu'il est présenté, mais il a été effectivement transformé, chosifié, là, pour le coup, transformé en vestige archéologique, en objet, légalement, et donc il est sorti, il a pu sortir de ce fait-là, du cadre normal. Quelle différence avec le 19e siècle que vous connaissez bien, Carole Rebeau-Paligo, on voit bien entre la fin du 19e siècle et ces trophées coloniaux de têtes d'insurgés algériens ramenés par les médecins coloniaux en Europe pour être exposés ou analysés. Et aujourd'hui, ces questions que nous nous posons, il y a une grande différence. Oui, tout à fait. C'est la réflexion que je me faisais en vous écoutant. C'est-à-dire qu'au 19e siècle, on ne se pose pas du tout ce genre de questions. Questions juridiques et pas du tout. C'est même paradoxal parce que pour une démarche qui se veut scientifique, j'ai trouvé assez peu d'informations sur les sources exactes de collecte des squelettes et surtout des crânes qui étaient particulièrement recherchés et valorisés. Donc très peu d'informations sur les sources, ce qui fait que il y a eu aussi beaucoup d'erreurs, hein, des crânes qu'on croyait être des crânes d'une population particulière s'avéraient en fait ne pas l'être. Donc beaucoup de sources d'erreurs, et pour des savants qui se voulaient engagés et défenseurs donc d'une démarche scientifique très rigoureuse. En fait, c'est assez surprenant de voir que là, il y avait quand même un point faible assez... Un flou qui s'imposait. Un flou qui n'était pas simplement que juridique, Alain Fremont. Vous êtes d'accord? Vos collections sont bien identifiées, ou est-ce qu'il y a beaucoup de flou, justement, dans ce que vous conservez comme restes humains dans un musée comme le Musée de l'Homme? Elles sont entièrement géolocalisées. Alors, tout dépend du niveau de détail. Parfois, on connaît la région d'origine, parfois le village, le site archéologique. Il y a certains degrés. Mais dans l'ensemble, oui, il y a aucune ambiguïté sur l'origine. Quand tu seras mouru, je garderai ta squelette au fond d'un placard. Je garderai ta squelette. Et quand il fera noir, Je mettrai tes fémurs cloués contre le mur, et ton péroné au-dessus du buffet, et ton maxillaire suspendu en l'air, l'os de ton bassin sur un beau coussin. Quand tu seras mouru, quand tu seras mouru, je garderai ta squelette au fond d'un placard, je garderai ta squelette, et quand il fera noir, au creux de tes orbites, je planquerai mon shit sur tes omoplates, je ferai cuire des tartes avec ta mâchoire, je ferai un encensoir, et sur ton radius, un Stradivarius. Quand tu seras mouru, quand tu seras mouru, je garderai ta squelette au fond d'un placard, je garderai ta squelette, et quand il fera noir, avec tes scaphoïdes, je ferai une pyramide avec tes vertèbres, un dodécaèdre, au creux tes rotules, je planterai des renoncules, et dans tes tibias, des petits bégonias. Claude Astier, La Squelette, un titre de 2014. Nous continuons notre série d'émissions consacrée à la question de la restitution des œuvres ou des restes humains qui sont dans nos musées. Et aujourd'hui, justement, l'émission de ce mercredi est consacrée à la question des restes humains. Que fait-on? Comment les expose-t-on ou pas? Et les rend-on à ceux qui les demandent lorsque on a un légitime propriétaire, pourrait-on dire, ou une population qui dit qu'il y a là quelque chose de relié à sa propre histoire et qu'elle n'a plus rien à faire, ces restes humains n'ont plus rien à faire dans des musées européens. Anaïs Quien. Oui, Alain Froment, d'ailleurs, tout dépend de qui en demande la restitution, parce que ces dernières décennies, on a assisté à de nombreuses affaires de protestation. Je crois d'ailleurs que aux États-Unis et en Grande-Bretagne, on est un peu plus avancé sur le règlement légal de ces affaires-là. Mais fouiller une nécropole s'apparente à un viol de sépulture. Où en est-on en France de ce qui peut être demandé en termes de restitution et peut-être même de réinhumation de certains corps lorsqu'on finit par les identifier? Ça n'est pas que les pays anglo-saxons soient plus avancés, c'est que leur mentalité est différente. Beaucoup de restitutions se sont faites ou se font sur une base religieuse. Un groupe va dire « je ne supporte pas que mes ancêtres soient dans un musée et pas inhumés ». Et donc les anglo-saxons sont sensibles à ça parce que la religion dans les pays anglo-saxons pénètre toute la société. Avec d'ailleurs des évolutions par rapport à ces religions, puisque les religions ancestrales, par exemple en Polynésie ou ailleurs, ont été recouvertes parfois par des religions nouvelles venant des pays européens ou des pays anglo-saxons et liées par exemple au protestantisme ou au catholicisme. Absolument. Et en France, on a une tradition de laïcité. Il dit que bon, vous pouvez croire à tout ce que vous voulez, mais ça ne va pas interférer avec les politiques publiques. On a aussi une frilosité légitime, je pense, à propos de la communauté, du communautarisme. On ne reconnaît pas les communautés. C'est un peu différent de la mentalité anglo-saxonne. Alors, on a eu un exemple en ce qui concerne les Maoris qui réclamaient les têtes tatoués qui étaient dans les divers musées du monde. Et on a bien compris, puisqu'on a beaucoup dialogué avec la communauté maori, que ce qui leur importait, c'était d'exister en tant que peuple, de manifester que la culture maori n'avait pas été écrasée par le colonialisme. Et curieusement, au départ, la revendication venait des Maoris, mais elle a été relayée par le gouvernement néo-zélandais, qui était, lui, issu totalement de la colonisation. Et ce gouvernement voulait s'excuser, en quelque sorte. Et ne pouvant ou ne voulant rendre les terres ou les richesses, les biens matériel en quelque sorte aux Maoris, ils ont fait glisser ça sur un enjeu symbolique qui était de rendre des têtes, qui étaient d'ailleurs souvent des têtes d'ennemis des Maoris, mais pour justement insister sur le fait que le gouvernement écoutait les communautés. Et en fait, c'était un peu un marché de dupes. On a bien vu que ça n'avait pas fait avancer la question indigène maori, à part le fait de montrer que la culture maori était toujours vivante. Carole Reynaud-Paligaud. Oui, Non, je pensais que vous vouliez intervenir, excusez-moi. Non, parce qu'on est dans des univers tellement différents. Au 19e siècle, on ne se pose pas ces questions-là. On s'empare des squelettes et on mesure. Il y a une véritable frénésie de mensuration. C'est pratiqué dans toute l'Europe. C'est des milliers de mensurations qui s'accumulent. Et toutes les questions que vous évoquez ce matin sont complètement étrangères à l'univers du 19e siècle. On est dans une démarche scientifique, il faut classer, l'entreprise est immense, hein, c'était un défi considérable que se sont lancés les savants de l'époque. Donc il fallait énormément travailler et aboutir à ces classifications. Alors voilà, ça a bien fonctionné donc fin 19e siècle, au début du 20e siècle, et puis après ça commence à s'essouffler un peu parce que on se rend compte que l'accumulation de ces mensurations ne permet pas de voir plus clair hein, dans ce désordre racial. ces méthodes anthropométriques vont un petit peu passer de mode, et puis surtout ce qui va passer de mode, c'est la démarche classificatoire. On va commencer à la critiquer et à s'engager sur d'autres problématiques et à passer donc de cette anthropologie classificatoire à une anthropologie qu'on nomme aujourd'hui biologique, qui a une toute autre approche et qui a évacué cette envie, cette passion pour la classification de la diversité humaine. Anaïs Quien. Oui, Alain Froment, vous venez de nous dépeindre aussi cette approche. Pour aller vite, anglo-saxonne des restitutions, excusez-moi, en ce qui concerne la France, seules les demandes émises par des États peuvent être administrées en ce qui concerne les restitutions des restes humains. C'est bien oui, ça. Vous ne pouvez pas arriver au musée et dire « je vais repartir avec les ossements de mon ancêtre », etc. Il faut une procédure qui passe donc par le ministère des Affaires étrangères en ce qui concerne la France et un dialogue entre les États. Et c'est ce qui se passe actuellement avec l'Algérie. On a nommé une commission mixte franco-algérienne qui s'est déjà réunie deux fois et qui va donc faire le catalogue de ce que l'Algérie veut récupérer ou pas. Parce qu'en fait, dans les restes algériens nommés, on a des résistants authentiques. On a aussi des tirailleurs algériens morts sous l'uniforme français, donc en quelque sorte des harkis du 19e siècle, et puis également des criminels, des gens qui ont été décapités, guillotinés, parce que c'était des bandits, pas parce que c'était des résistants. Donc on attend de savoir ce que le gouvernement algérien veut choisir dans ces restitutions. Anne Loerf, on voit bien qu'effectivement, entre l'anthropologie de la fin du 19e siècle et ce moment de naissance, par exemple, de la catégorie de la préhistoire, dont vous êtes une des spécialistes, et aujourd'hui, il y a des évolutions très, très nettes, et en particulier des avancées en termes de recherche, l'ADN est né entre-temps, le strontium, tout un tas de façons d'aborder, vous avez évoqué tout à l'heure la question du carbone 14, tout cela, évidemment, change le regard que l'on peut porter sur cette squelettisation, c'est un terme qu'on utilise Non, c'est pas un terme qu'on utilise, mais en tout cas, c'est clair qu'il y a une évolution de la prise en compte de ces vestiges anthropobiologiques à des fins scientifiques, à des fins d'études, à des fins de connaissances, dans une perspective historique. Ce qui pose effectivement problème quand on n'a pas justement la question d'un cadre législatif abouti, puisque, par exemple, l'État n'est pas propriétaire, mais il se doit de conserver ses vestiges. Et concernant les restitutions ou les réinhumations, qui est une forme de restitution évidemment de ces vestiges, eh bien, il n'y a pas de disposition légale en France pour ces restitutions de restes archéologiques. Anaïs Quien. Oui, il y a deux exemples récents, Anne Loerf, qui concernent le Grand Ouest français. L'un s'est bien passé, l'autre non. Louise de Kango, là on se trouve en Bretagne. Et puis il y a aussi une affaire, cette affaire des combattants de la bataille du Mans. Là on est dans les guerres de Vendée. Et dans ces deux affaires, les choses ne se sont pas passées aussi bien l'un que pour l'autre. Alors, en fait, il y a deux réalités dans ces deux affaires, donc qui sont des fouilles en archéologie préventive, toutes les deux menées par l'INRAP. Il y a la question de l'identification ou pas des vestiges, qui est une question fondamentale en archéologie. La majorité des restes humains ne sont pas identifiables. Ce sont des anonymes que l'on fouille, et ça pose un certain nombre de problèmes, puisque le droit funéraire s'applique sur des restes identifiés. Donc dans le cas de des combattants de la bataille du Mans, on ne pouvait pas identifier... On ne pouvait pas être sûr de savoir qui était effectivement vendéen, qui était républicain et qui étaient des civils qui étaient passés par là et pour qui ça s'est mal terminé. Pour Louise de Congo, c'était une aristocrate bretonne dont on avait la filiation. Dans un cas comme dans l'autre, il n'y avait aucune obligation effectivement de restituer ou de rendre à la famille et de réinhumer. Donc ça se passe parce que tout chacun est responsable et les archéologues le sont évidemment tout autant dans des discussions. Là, il n'y avait pas de possibilité d'opposition aux études scientifiques dans un cas comme l'autre. Elles ont été faites et il n'y avait pas non plus de raison de s'opposer à une éventuelle réinhumation de Louise de Congo, ce qui effectivement a été fait. Alors que pour la bataille du Mans, impossible d'identifier, impossible de savoir, se sont restés dans les collections archéologiques. Mais quelle évolution depuis les années 60 ou 70, on ne se posait peut-être pas toutes ces questions vis-à-vis de ces squelettes que l'on trouvait dans des fouilles archéologiques. Vous avez bien mentionné combien la question des postures d'inhumation était importante, combien on regardait comment les gens avaient été enterrés au bout du compte, mais d'une certaine façon, ce qu'on allait faire de ces ossements retrouvés dans des fouilles, eh bien, on se posait peut-être moins de questions qu'on ne s'en pose aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'en poser. Ça veut dire que ça pose, comme vous le disiez tout à l'heure, de nouvelles questions juridiques, éthiques, pour les archéologues qui se trouvent confrontés à la découverte d'un cadavre, enfin d'un squelette. Je pense que les archéologues, comme tout historien, vivent dans leur époque. Et je pense que ce n'est pas simplement... Il y a une évolution scientifique... au regard porté sur ces vestiges humains, mais je pense que plus globalement il y a une évolution aussi peut-être du regard de la société vis-à-vis de la mort et des morts, et que cette question est devenue plus sensible aussi par rapport aux collections archéologiques ou par rapport aux collections muséales, parce que la société elle-même a évolué sur ces questions. Vous êtes posé des questions, j'imagine que lorsqu'il s'est agi de remettre en selle un nouveau musée de l'homme, de savoir si on allait reprendre les anciennes expositions, les remettre dans les nouvelles vitrines, ou au contraire les faire différemment, et ça fait partie effectivement des questions que se posent les musées ou qui conservent des restes humains. Qu'expose-t-on, dans quelles conditions expose-t-on ces restes humains, comment les expliquer, et de la sensibilité du public qui vient aussi les regarder, Alain Froment. Oui, alors d'abord, on vient au musée de l'homme, il faut s'attendre à voir quelques squelettes. On est déjà psychologiquement préparé. Cela dit, on n'a pas voulu jouer au train fantôme et en mettre partout. Il y a très peu de restes humains exposés. Il y a par exemple deux momies seulement, deux squelettes adultes pour montrer les différences entre l'homme et la femme, etc. Mais on n'a pas le même regard sur une momie et sur un squelette. Non plus, alors, c'est vrai. Vraiment. C'est vrai, parce que la momie est davantage proche du cadavre frais, en quelque sorte. Et pour nous, c'est une source d'information. Puisque je l'ai dit, tout reste humain est une archive pour l'humanité. On peut faire une ostéobiographie, on peut même faire une odontobiographie à partir d'une simple dent. On peut déjà raconter quelque chose sur son propriétaire, avec l'ADN qui est dedans, avec l'usure, etc., avec les isotopes. Les techniques sont extraordinaires. Et c'est pour ça aussi qu'on garde des restes humains dans les musées, c'est que les techniques d'étude évoluent, on ne peut même pas préjuger ce qu'on fera dans 50 ou 100 ans, et donc la connaissance des populations du passé est de plus en plus précise. Oui, et on peut dire aussi que les sensibilités, comme le disait à l'instant même Anaïs Quien, changent, et qu'on ne sait jamais très bien, quand on expose justement des restes humains dans un musée comme le Musée de l'Homme, quelle sera la réaction du public. On a vu, et de la réaction du public, et la réaction du législateur, des hommes politiques, devant un scandale qui peut partir comme un feu de brousse très rapidement. On a vu cette question des plastinés de Von Hagens il y a quelque temps. Cadavres donc qui ont été plastinés, donc transformés en écorchés, pourrait-on dire, artistiques entre guillemets, par quelqu'un qui s'appelle Von Hagens, et dont l'exposition a été interdite en France alors qu'elle était autorisée dans bien d'autres pays, et qu'on continue à exposer les écorchés d'Honoré Fragonard qui ont deux siècles d'ancienneté, et que ça pose pas de problème parce que c'est rentré dans une sorte de vision historique, pourrait-on dire, Alain Froment. Alors, ce qui a été critiqué chez Von Hagens, c'est plus parce que les cadavres étaient mis dans des positions ludiques, en quelque sorte, qu'il y avait un certain voyeurisme. Mais en fait, apprendre aux gens leur anatomie par le cadavre, c'est une démarche pédagogique tout à fait légitime. Je dirais même qu'on manque, en France, d'un musée du corps humain. qui expliquerait non seulement notre anatomie normale, mais toutes les pathologies. Vous êtes médecin, je rappelle. Oui, mais ça aurait un rôle de santé publique tout à fait important. Alors, le musée de l'homme n'est pas un musée de médecine, donc on n'insiste pas sur cette dimension. Nous, on s'intéresse à l'anatomie normale et à la diversité des populations du monde et leur histoire, bien sûr. Mais une pédagogie sur l'anatomie me paraît tout à fait légitime. Et sur ces questions de, disons, d'embrasement de l'opinion publique, les archéologues s'y trouvent confrontés plus qu'auparavant. Par exemple, il y a les archéologues de l'INRAP ou les archéologues français peuvent aller fouiller dans des fouilles dans des pays étrangers et se retrouver confrontés à des visions justement différentes de ce qui est mis en place dans nos fouilles archéologiques en France vis-à-vis de ce que l'on fait de ces cadavres retrouvés ou de ces squelettes retrouvés dans des fouilles archéologiques, Anne Loerf. Oui, la perception est effectivement très variable parce que c'est une question de rapport finalement aux défunts et à nous-mêmes par rapport à la société. C'est vrai que après la situation dans laquelle on trouve ces défunts peut évidemment compter. C'est vrai que on fait aujourd'hui appel aux archéologues pour aller fouiller des conflits très contemporains. Je pense au Rwanda, je pense à l'ex-Yougoslavie. Mmh. On est dans des situations extrêmement tendues, sensibles. Quasiment comme expert d'ailleurs. Comme expert, absolument, parce que justement, on a développé cette capacité sur le terrain à comprendre des gestuels qui se sont déroulés grâce à des méthodes mises en place pour de l'archéologie, c'est-à-dire classique et traditionnelle. Donc il y a ce cas-là, mais ça peut aussi déclencher parfois des interrogations, y compris sur le sol français, de voir des archéologues investir des nécropoles aujourd'hui, alors que par le passé, c'était peut-être moins sensible. Donc je pense qu'il y a une sensibilité accrue aujourd'hui. Anaïs Quin. On vient de parler beaucoup de la question de l'exposition de ces restes humains sous forme de squelettes, sous forme de momies. Est-ce qu'il y a des tensions, des pressions en ce moment, Anne Leherf, sur le fait simplement d'étudier ces cadavres sans pour autant qu'on projette ensuite de les exposer ou de les montrer d'une manière ou d'une autre, mais sur l'étude même de ces restes humains? Alors il peut y avoir quand on associe d'une certaine manière par exemple certains restes récents des communautés religieuses ou à des conflits très contemporains. Il y a cette question, on parlait des momies, c'est clair que le travail de sédimentation au sens premier archéologique du terme permet une espèce de mise à distance entre l'archéologue et ce qu'il fouille. Plus on est près de formes, de vestiges, qui nous ressemblent, ou plus on est proche chronologiquement, plus le sujet devient effectivement un petit peu plus compliqué, un petit peu plus difficile. Ça fait quoi, par exemple, la première fois où on se retrouve face à un squelette dans sa première fouille, par exemple? Alors ça, je pense que c'est une question vraiment très personnelle. Moi, j'avoue, à titre personnel, que ça m'a quand même fait quelque chose de se retrouver dans une espèce de face-à-face. Pourtant, c'était une tombe de l'âge du fer, donc a priori, on pouvait quand même... La filiation était lointaine. Il y avait une filiation qui était assez lointaine. Mais tout d'un coup, effectivement, on est confronté à un autre soi-même et ça soulève des questions qui sont larges. Alain Froment, même question. Oui, tout simplement parce que un squelette, c'est une personne ou c'est le reste d'une personne. Ça n'est pas la même émotion que devant une culture matérielle. C'est pour ça que je voudrais qu'on fasse évoluer cette perception des collections de restes humains vers une notion de bien commun de l'humanité, où toutes les populations du monde contribueraient à l'histoire de l'humanité qui nous relie par l'ADN. On voit bien qu'on est tous... On est parti de très loin par rapport à ce que vous plaidez, c'est-à-dire on est parti de la classification, de la séparation et de la mise en boîte, comme vous le disiez tout à l'heure, ou en fiche, pourrait-on dire, de l'homme, et vous plaidez pour une ouverture maximale pour que tout cela appartienne à l'humanité commune. C'est ce que vous voulez dire? Je pense que depuis le début, quand nos anciens faisaient de la biométrie, c'était bien sûr classificatoire, mais c'était un petit peu la génétique du pauvre, parce que un crâne, ça vous raconte quand même une histoire. Il y a des gènes de morphologie. Il y a le nez des Bourbons ou le menton des Habsbourg, on sait que ce sont des caractères morphologiques, mais qui sont transmis par l'hérédité. Donc quand Broca faisait de la crâne, il faisait un peu de la génétique avant la lettre. Maintenant, évidemment, avec l'ADN, on comprend comment l'humanité est unifiée. Très brièvement, Anne Leherf. Oui, mais je pense que les collections de référence, là aussi, dans les restes archéologiques, seraient une bonne chose pour pouvoir couvrir et participer à ces collections de référence. Merci à tous les trois. Merci à vous, Carole Reynaud-Paligaud, depuis Dijon, où vous étiez. Je rappelle que vous êtes auteur de l'Identité nationale et de la République raciale, tous les deux publiés.